Ma rapologie, la mienne, n'a rien de plus qu'une autre. Ma maladie m'emporte, mon rap m'a dérapé, mon pote. 95, premier texte, flingué dans nos têtes, cramé dans nos thèmes, cramé craignos dans nos fringues en quête. D'aventure, libre comme l'air, guette lâche cool, boycott des commerces, squattage en col, des bandes, la school. Primaire, tempérament orageux. Depuis le préau, instinct de prime à temps prime, on s'exprime à temps plein. Plus le temps passe, plus ma plume s'assèche. Comme ma joue mon heure, je ne l'attends pas. Des piches, centimes, soldats en joue sans tir. Quoi de pire que troller la victoire pour quelques centièmes. On s'en tire comme on peut, mon pouvoir, celui d'écrire, cribler de balles, mes pages, vomir des phases à quelques centimes. H2O, TIE, Z insolite, tireur d'élite, MC insolent. 77 Est au code centienne. Briseur d'heure insolite, l'air innocent. Petit, c'était la clique, vruche la ruche, l'école centième. Puis les blagues changent pour quintessence musique. Les lances perdent, la magie s'opère. Jali Mazika, Carléon, Luzi. Les balles fusent, les pics fument et les mics sus. J'assume et accuse le 2-0-9-1, D, je t'assure. Imagine un peu la force de frappe que c'est. Sans équivoque, viens couper la corde au cou du rap d'un coup sec. Les piches pas, je me retrouve en solo. Je ne piche pas, dur de ne pas péter les plombs. Impossible que je ne puisse pas continuer à faire de la musique. Une traversée du désert, les épreuves à surmonter sont ma muse. Mon premier solo, moi délinquant. Malgré pas mal de futuring, je reste entouré, mais quelque chose me manque. Flashback, lyrical, ma rapologie. Le sport ne suffit plus à évacuer, donc j'écris. Première rencontre dans le bis dooms, quelqu'un d'autre que moi, c'est que ma plume existe. Autour de moi, les grands raps, je reste à l'écart. Malgré la passion, je me montrerai pas tant que mes faces n'ont pas de sens. À l'époque, j'écris, mais j'enregistre jamais. Freestyle arrosé, je me bute déjà au rhum charrette. Les métaphores fusent ainsi que les blasts. Escroc, Lorenzo, commence à voir mon flow dans les stats. Improvisation, Otine, rendez-vous au stade. Préviens Doucet, ce soir on part de la quête mac. Il cache et quête plat et qu'il me ramène ma skate car. En bref, tout a commencé comme ça. BMP nous désignait, Black Massive Prod. On avançait les yeux fermés, pour ça qu'au final était pas si propre. Mais bon, des bons moments à cogiter sur des thèmes. Sa première sortie de prison, je pensais qu'on était déter. Les trois empreintes vocales sur même bande se font rare. À la suite de ce premier groupe, Prestige Crew se fonda. NELS, Otin, Carly, les vrais savent. Preuve sur vidéo, Ivry, les putes, laisse-les parler. Le doute s'installe chez eux, j'en laisse le temps. Donc je collabore ailleurs, Masca, Mercutio, des mecs, des tirailleurs, man. Quintessence musique, je retiens pas grand chose à part qu'ils auraient dû tout miser sur Osgar et Risto. Sans équivoque, vois ses premiers jours, fais ses premiers pas. Ballon à toi en caisse d'Erklein, laisse-moi faire tes bacs. De blast, un seul crew, tempérament à la Russell Crowe. Une alchimie parfaite et tout ça d'un seul coup. Les piches pas, je me retrouve en solo. Je ne piche pas, dur de ne pas péter les plombs. Impossible que je ne puisse pas continuer à faire de la musique. Une traversée du désert, les épreuves à surmonter sont ma muse. Mon premier solo, la vie me déboussole. Malgré pas mal de featuring, je reste entouré. Mais je me sens seul, je me sens seul. Flashback lyrical me renvoie l'ascenseur.